party journal. Si nos regards se comprennent mieux que des mots. La dernière fois. Si ma main tremble à l'idée d'effleurer ta peau. Ai que é verdade que o meu programa muitas vezes da manhã começa assim, por esta voz. E desta vez, e na verdade diz-se sempre que à força de trabalho tudo isto paga. E hoje, Abel Marta está aqui presente. Presente com o seu agente artístico que nos faz a honra de estar presente. Um muito bom dia, Abel. Olá, bom dia. Tudo bem, rapaz? Ça va. E temos então uma voz da rádio. C'est pas pour dire, mais j'ai un petit peu la pression parce qu'il y a un animateur de radio face à moi. Aïe, aïe. Vai se passar tudo bem. Olá, bom dia. Bom dia a todo ao vosso auditório. Tudo bem? Tudo, vamos andando. Tem que ser. Estamos aqui. Mais uma vez, obrigado por nos convidar para vir aqui assistir à tua emissão. É um grande prazer e um grande orgulho estar aqui. É a primeira vez, na verdade, o Walter, já tivemos a oportunidade de fazer entrevistas via telefone, já teve a oportunidade de estarmos presentes numa... numa emissão de televisão? Uma emissão de televisão, por acaso, é verdade. Foi mesmo fantástico, mas da rádio ainda não tínhamos sido parceiros de rádio. É verdade, é a primeira vez. É a primeira vez, e depois uma voz que nós já conhecemos muito bem, olá! Olá! É claro, a nossa voz da Carla está aqui presente hoje connosco para falarmos um pouco do trabalho, o novo trabalho do Abel Marta. Claro que começámos com este seu trabalho já mais já bem conhecido do nosso auditório, porque como eu estava a dizer um bocadinho, na verdade, muitas das vezes o meu programa começa por estas lindíssimas palavras. Je te veux pour moi. Era uma voz que eu gostava de ouvir pela manhã, mais calminha. E hoje tenho a oportunidade de ter aqui. Já não é a primeira vez, já vieste cá há uns tempos atrás, e grande honra e grande prazer de ter cá connosco para falar então desse novo bebé. Esse é o novo. Fala-nos então da tua carreira. O que é que se passou desde então? Tiveste cá aqui há dois anos, um ano e meio? Um ano e meio, acho. Ah, acho que é isso. E o que é que se passou desde então? Muitas coisas. Muitas coisas. Queremos saber. Impossível. Coisas que nunca pensavas ter vivido, talvez, não? É só. Mas eu vou responder em francês, porque já me puxo. Como acho fatigué déjà. Ai, ai, ai, tu já fatigué. Alors là, il faut réfléchir un peu. J'ai pas beaucoup dormi. Ah, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de pouvoir passer de portugais à français, de français à portugais, sans faire le mélange. On va le faire. Alors raconte-nous plein de choses. Donc là, voilà, donc actuellement, donc, j'ai sorti le single, le dernier, Te Juro, au Portugal. Donc, j'ai tout enregistré là-bas, le clip, la chanson. Donc c'était un grand moment pour moi d'enregistrer au Portugal. C'était un grand moment. C'était. On va dire que c'est la. Enfin, une partie de la carrière, pouvoir être. Ser immigrante, ser lusodescendente, et pouvoir aller chanter là-bas, voilà. Ce que tu apprends ici. Je trouve que ça paye le travail que tu as à la longueur d'année. Et tu te dis, waouh, je vais aller chanter chez moi. Voilà, c'est ça. C'est ça? J'ai envie de chanter la France, Portugal, bah. Essayer de faire les deux pays, hein. Tout à fait, et c'est ça qu'on attend de toi, que tu puisses transmettre cette lusodescendance. C'est ça, ouais. Un portugais qui a ce comment se dit en portugais, aquele sotaque, mais que pour nous est un charme, ter un sotaque français. Ah, je tenho sotaque. Et je cantar de certeza que non. Quand tu chantes, tu le sens moins, non? Ouais, je le sens moins. Mais comme vous rendez compte, il a ce. Non, tu as son sotaque portugais, français, mais também. Parce que tu as vécu, tu as pris une autre langue entre temps, et c'est peut-être ce mélange. C'est l'anglais, je pense. L'accent anglais. Et un petit peu l'espagnol, un petit peu tout ça. Ouais, l'espagnol, oui. Voilà, ça va, l'espagnol, oui. Les langues latines. Raconte-nous tout, alors, Te Juro. Pourquoi Te Juro? Te Juro, parce que je te jure que je n'ai rien fait avec cette fille. Je te jure, je n'ai même pas ouvert, la bouteille. Mais en fait, j'ai tout ouvert. J'étais avec elle, je rigole. Non, donc c'est ça. C'est une histoire. Même ça arrive souvent. Hein. Quand on est avec une fille, voilà. Dès qu'on part avec une autre, bah, tout de suite, notre copine, elle pense le pire. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis fidèle. Toujours fidèle. Toujours fidèle. Ah oui. Toujours fidèle en amour, toujours fidèle musicalement, ouais, parce musicalement que tu as commencé ta carrière petit à petit et grâce à un télécrochet, on va dire, c'est ça, musique, ouais. c'est une très, très belle expérience. Ah ouais, très très belle. Bah, inoubliable. Inoubliable. The Voice. The Voice. On peut en parler. Et puis après, bon, parce que voilà, on te connaît chanteur, mais voilà, j'ai des petits messages. Ah oui, c'est Abel de... On peut en parler ? Oui. Vas-y. Inoubliable aussi. Inoubliable aussi. Les anges, bien sûr. Ouais. Le sage. On m'a dit le sage dans les anges. Le sage surtout. Oui, le sage. Mais surtout, c'est les caméras qui font ce qu'ils veulent. Quoi. On voyait ça. On n'a pas tout. C'est l'image que tu as donnée. Hein. Mais quand même, ouais, j'étais sage. Mais plein de choses que. L'ange, moi, c'est ça qu'on nous dit, c'est l'ange sage. L'ange sage, ouais, c'est ça. Mais surtout, il y a des choses, moi j'adore rigoler, faire plein. Mais on a dommage qu'on n'ait pas vu ça au montage. Ouais, t'aurais eu un plein de blagues, plein de. Ah ouais, ouais, non mais plein. Ah oui, il fallait c'est que je fasse. C'est ce qu'il faut faire. Il fallait une histoire d'amour. Des histoires d'amour finies. Non, c'est ça le problème, on fait pas ce qu'on veut. C'est ça, oui. Et puis en même temps, tu préserves cette image de chanteur. Voilà, quand même, c'était le plus important parce c'est que ça. Voilà, on va pas là-bas pour n'importe quoi, mais surtout que là, t'as décroché quelque chose à la fin. C'est ça, moi j'ai vraiment été là-bas pour la musique et donc j'ai réussi à enregistrer en Amérique un titre. Mmh. Donc c'était vraiment le rêve américain. Kuruya. Kuruya. Eh ben, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. On se fait tout de suite une petite pause musicale. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est parti. C'est ce qu'on souhaite nos auditeurs, c'est pouvoir entendre ta voix. Et c'est ça, Abel Marta, Kuruya, Moseka. Diversión, comenzando la acción, listos para la explosión, cero preocupación, música y diversión, comenzando la acción. Se pasan volando y nosotros seguimos gozando y la música sigue sonando y nosotros seguimos bailando. Cero preocupación, música y diversión, comenzando la acción. Sube la explosión. Abel Marta Coruña. E como estávamos a dizer há bocadinho, estamos aqui então em entrevista com Abel Marta e o Walter, seu agente, que está aqui hoje presente, sem esquecer aquela voz feminina da Carla, que também está aqui presente connosco. E como te dizia há bocadinho, na verdade, precisamos de saber um pouco mais sobre este artista que dormiu um pouquinho esta noite, mas eu também, estamos todos aqui meio adormecidos, e então vamos falar em francês para não misturar as duas línguas, é isso mesmo? É isso mesmo. Donc, comme on disait, donc Abel, ça fait, c'est le quatrième titre à ton effectif, c'est bien ça? Sixième. C'était celui-ci, Coruña, qui a été le plus important jusqu'à présent, parce que du fait qu'il avait été, enregistré suite à l'émission des Anges. Voilà, aux États-Unis, donc, voilà, c'était très important. C'était le cadeau, on va dire. Pas le cadeau, c'était plus le... Fallait que je réussisse, quoi. Fallait réussir. C'était mon but. J'allais là-bas pour ce titre, voilà. Toujours avoir des objectifs dans la vie, celui-ci était un beau. Très bien. Par la suite, donc ça s'est enchaîné? Voilà, ça s'est enchaîné. Donc, Portugal, directement, production de Lala Record. Lala Records, effectivement, on n'a pas le droit à la publicité dans nos studios, parce que voilà, nous sommes une radio associative et on limite. Moi. Toi, t'adores. Ouais. Et on doit limiter. Mais effectivement, Lala Records, qui est une amie aussi de la radio, qui est Paula Suarez, une chanteuse où sa voix passe assez souvent aussi dans les studios et qui nous prête main forte dernièrement. Et on lui tire un grand chapeau et un grand merci à Paula d'être aussi à nos côtés. Pour ça, nous avons aussi son agent qui fait le lien entre donc, le studio et l'artiste. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai qu'on les remercie énormément de d'être avec nous. J'ai la chance de travailler actuellement pour eux. On va saluer aussi Marco Raffaello, qui est le producteur aussi de cette maison de disques. Et puis moi je voulais juste revenir parce qu'il faut le dire quand même, il s'est passé une belle chose. C'est vrai que notre rencontre elle a pas été faite par hasard avec Abel, elle a été faite grâce à toi aussi, parce que c'est toi qui me l'as fait connaître. Ah, c'est vrai, tout a commencé ici. Ah d'accord. Tu vois, c'est une belle histoire. C'est beau ça. Tu vois. Ah ouais, la première fois. Parce que la première fois qu'il est venu en fait, c'est toi qui m'as dit ouais, regarde cet artiste, il est d'origine portugaise, en plus il a fait The Voice, tu devrais t'y intéresser. Et je t'avais dit ah oui, pas de problème, je vais regarder. Tu avais fait un direct ce jour-là. Oui. Donc j'avais regardé, j'avais trouvé vraiment très bien ce que Abel avait fait et ça m'avait énormément plu et j'ai voulu découvrir un petit peu plus. Et ensuite, je l'ai convié à la radio, l'émission que j'avais avant, voilà, que je n'ai plus. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. Ah, ben, je suis un peu la marraine alors. C'est un peu la marraine, voilà. Oh, ben, dis donc, ça me plaît ça. Voilà. N'oublie pas Wolf, s'il te plaît, merci. Tá bem, mas isso é só para a Páscoa. Mas olha que é nos dois sentidos. É, nos dois sentidos. Sim. É porque normalmente uma semana antes da Páscoa é a madrinha que recebe. Ok. E uma semana depois és tu. Não, mas eu não dou nada, eu só recebo. Allez, trêve de plaisanterie. Et si on grattait un peu? Ouais. Tu veux le faire gratter en ce samedi matin? Ah ouais, samedi, ouais, je sais, il a pas beaucoup dormi, mais en général, les artistes, quand ils dorment pas beaucoup, ils sont à fond pour chanter, pour danser, tout ça. Ah bah... voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit plein de choses, moi. Ah, dur. Hein. Donc, effectivement, la tournée commence pour donc présenter tes derniers titres, on va dire. Coruña et Toujours, sans oublier les deux autres aussi, les trois, quatre qui sont derrière. Ouais. On les oublie pas, les petits. Hein. Alors, les petits. Non, c'est vrai qu'il faut le citer parce que c'est vrai qu'il y a quand même une collaboration entre Go Music et Lala Records, justement pour ce dernier titre, Coruña. Donc, on remercie aussi sa production française, hein, parce qu'il a deux productions actuellement, Abel. Voilà. Donc, ça, c'est important. Française et portugaise. Ouais, française et portugaise. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette belle osmose entre les deux associations de production. Et voilà, et aujourd'hui, Abel, c'est un juste retour aux origines, je vais dire, voilà, au Portugal. Et pour toi, c'est important de toujours chanter en portugais, malgré que tu as toujours ces petits mots en français qui ressortent, la base. Ah ouais, moi j'adore, c'est toujours, je suis obligé, il faut que je chante quand même mes origines. Très pour bien. Ma famille, pour mes parents, pour moi. Chanter plusieurs langues en plus, c'est, ça fait avancer dans la musique. C'est une richesse. C'est une richesse. Tout à fait. garde cette richesse. Et donc, on va écouter en direct, avec 2 heures de sommeil, Abel. Alors, il faut que je cherche la chanson. Tu cherches la chanson. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pendant que toi, tu cherches, on va papoter avec Walter, là, à côté. Voilà. On va parler radio. Qu'est-ce que tu en penses? Pendant qu'on entend gratter un petit peu derrière. Ça, on peut y aller. Aujourd'hui, tu oublies donc ce métier, d'animateur. Pour quelques temps, ouais. Pour quelques temps. Ouais. Très bien. Parce qu'on sait très bien que quand cette petite bête elle nous pique. Il y a ce bichinho qu'on mord. À la radio. Compliqué. Ça manque, hein. Oui. C'est dur d'être de l'autre côté. C'est dur d'être de l'autre côté, ouais. Bah touche au bouton, ça. C'est ça. Oui, je manque un petit peu de son. Je me fais plaisir là avec le bouton. Il manque un petit peu de son. C'est vrai. Non, mais c'est donc un métier qui reste quand même en lien avec l'animateur radio. Oui, c'est un métier qui reste en lien parce qu'il y a plein de choses. Il y a de la communication, il y a du suivi, il y a plein de choses qui tournent autour. Alors après, on n'est pas derrière le micro. Moi, ce que j'aimais, c'était derrière le micro, voilà, pour partager avec les gens, partager avec les auditeurs, parce que ça, c'est la magie de la radio. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, je suis sur un autre univers avec Abel, et puis avec d'autres artistes d'ailleurs. Quels sont les artistes qui sont, on va dire, tes petits? Alors pour l'instant, j'en ai 3 que je manage. Voilà, il y a Abel, forcément, mais il y a aussi Cordéon. Je ne sais pas si tu connais. Oui, j'adore. Un artiste extraordinaire que je vous invite à aller découvrir vite. Oui. Et puis il y a une petite jeune de 18 ans qui s'appelle Louane aussi, que je suis en train de faire découvrir. Justement, Louane, on en parlait. Donc cette jolie voix de Hallelujah qu'on entend de temps en temps, qui est d'origine aussi portugaise, c'est tout bien ça? Tout à fait, exactement. Et qui ne restera pas que sur cette interprétation de Hallelujah. Pas du tout. Il y a déjà 2 singles qui sont prévus normalement sur l'année, sur le courant 2021, avec un clip. Voilà. Très bien. Donc maintenant tu sais le chemin de Radio Arc-en-Ciel, comment venir, où t'installer et tout. Donc tu sauras que Loan, on l'attend, et Cordéon aussi. D'accord. Ça sera avec un grand plaisir que on les amènera ici dans les et studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis qui sait que dans quelques temps, ça sera un bus qui viendra avec Walter. Un avion, un jet privé. D'accord, attention, je n'ai pas à vous poser. Hein. On s'arrangera. Abel, c'est bon? Allez. Tout est accordé? Oh yeah. Allez, c'est parti. On va entendre? On va écouter donc? Un son de Tim Maia, chanson brésilienne. Oh. O mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Parararararara. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Parararara. Parararara. Parararara. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Parararara. Parararara. Parararara. Azul da cor do mar. Bravo. Merci, obrigado. Paulinhas, merci à toi. Comme on disait, donc à l'instant, c'est vraiment du live au pied du lit. Hein. Ouais. Oui, au pied du lit, ouais, c'est ça. Ah, très bien. Bien, c'est une voix exceptionnelle, c'est une voix qu'on voit très peu, parce que c'est un timbre de voix qui n'est pas donné à tout le monde, et c'est ça qui fait le charme de Abel. Moi je trouve qu'un album en bossa nova comme ça, un pur plaisir dans la voiture au bord de Il y a de belles choses qui se préparent, il y a plein. Donc, on va être curieux, ça va être très bien. Moi, j'aime bien tout savoir. Oui, mais on va pas tout dire. Comment ça, vous n'allez pas tout dire? On va rien dire, même. Il y a personne qui écoute, il y a que nous là. Y a personne. Mais c'est bien pour ça. Donc, dans ces timbres musicaux. Ou pas? Ouais, on sait pas. Ouais. Là, un peu. Ça va être resté un petit peu aussi comme Tijoule, un peu dans ce côté un peu plus soleil, un peu ambiance. Et après le reste, surprise. Surprise. Mais nous, c'est vrai qu'on ici à la radio, nous avons une radio intercommunautaire et qui ne diffuse pas non seulement de la musique portugaise, mais nous sommes très très ouverts d'esprit. Et c'est ça qui est sympa parce que dans la base de données de la radio, il y a déjà pas mal de titres à toi. Et quand on les entend, on nous dit c'est portugais. Oui. C'est chanté différemment, mais oui, c'est portugais, parce qu'on ne reste pas que dans le pimba, ouais. dans cette musique traditionnelle portugaise, et c'est ce que je te disais à l'instant, c'est une voix totalement différente, et c'est ce qui est très appréciable aussi, et c'est ça aussi, être portugais, c'est de pouvoir changer cette voix, n'est-ce pas? J'adore changer la voix comme ça, avec des styles différents, c'est comme je dis, j'adore chanter, je suis très très varié. Musique portugaise, musique brésilienne, musique américaine, musique italienne, musique latine, salsa, je passe vraiment, je suis très très varié. C'est très. Je pense que c'est ce qui a fait de toi un The Voice ici en France, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que tu nous as mis. Un petit mélange de tout. Ah ouais. Je t'avoue sincèrement, quand tu es dans le fond de ton canapé et qu'on t'annonce le chanteur et tu te dis, oh là, qu'est-ce qu'il va sortir de là? Et tu entends cette voix. Bravo. Merci. Si l'enfant, il peut nous faire un petit extrait de ce qu'il a chanté à The Voice d'ailleurs. Ah, j'adore. Chan Chan. Hein. Ah bon? Bah oui. Allez. Allez, on raccorde tout ça. Ouais. Donc, Carla, tu faisais aussi partie des gens qui l'ont vu au tout début. Tu étais aussi avec nous, pas loin, et tu as toujours apprécié aussi entendre Abel. Et t'es l'une des voix qui passe souvent dans ton émission. Je pense avoir entendu que tu me dis que j'ai beaucoup suivi Abel, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc maintenant, c'est à toi de chanter. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas, je peux chanter. J'adore ça aussi. Bon, j'ai pas la même voix, mais j'adore ça. Je chante, je chante soir et matin, je chante. Non, c'est bon. Allez, vas-y. Mais ça, j'adore, je chante souvent. Voilà. Donc, tous les matins. Voilà. Dans les matins, c'est rare. Magnifique, écoutez, c'est extraordinaire. Donc, c'est ce qu'on. Ici en France, on a écouté à The Voice, cette jolie voix. Bientôt, para Margané, llevo a Cueto, voy para Mayari. Y alto cedro voy para Margané, llevo a Cueto, voy para Mayari. Y el cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, ya no lo puedo evitar, chan chan. Y alto cedro voy para Margané, llego a Cueto, voy para Portugal. Ay, qué rico. Chan chan, en el mar cerniano arena, como sacudí el jibe, a Ciancialletta va bene. Compai, compai, y al tocedro voy para Margané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Sí, sí, para Mayarí. Y al tocedro voy para Margané, llego a Cueto, para Mayarí. Fantástico. Fantástico. Muito obrigado. Waouh, merci. Ça c'est beau ça. Ça j'aime bien ça. Donc, ne jamais arrêter de chanter. C'est la devise. Jamais. Puis si, si, sauf erreur de ma part, ça vient, ça vient, ça vient de famille tout ça. Oh, ça vient de loin. Ça vient de loin. Les grands-parents, les oncles. Donc ouais, c'est vraiment de famille. Tout le monde danse, tout le monde chante. Tout le monde chante, tout le monde danse. Et tout le monde se bourre la gueule en plus. C'est l'humour, bien sûr. Hein. On passe quand? Et je bois même pas moi. Non, je bois pas moi en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce matin, c'était petit jus. Hein. C'est vrai. On continue donc. C'est vrai qu'effectivement, pour pouvoir continuer dans ce style musical qui est le tien, mais bien à part, t'es parti au Portugal, t'es parti aux États-Unis. Quel serait pour toi le rêve, enfin la musique idéale qui pourrait te représenter dorénavant, la prochaine, on va dire. La prochaine. Moi, c'est ça le problème. Moi, c'est que il y a tellement de styles que j'aime. En fait, j'aime la musique. Donc, c'est difficile de choisir. J'ai envie de faire du latino, j'ai envie de faire des chansons du romantique, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, j'espère par la suite que je pourrai faire tout ce mélange. C'est tout ce qu'on te souhaite. Voilà, tous ces styles qui sont très différents. Ce latino ambiance, slow, chanson d'amour. Je suis vraiment. J'ai envie de faire. Kizomba, bachata. Comment? Kizomba, bachata. Kizomba, tudo. Você, você qui nous cagou, nous cagou, nous cagou. Nous cagou. Ah, quand ça nous cagou. C'est du kizomba portugais, ça. C'est parti tout seul, celui-là. Voilà, là, je dis kizomba, pimbo, você qui cagou. Juste, il faut que je le fasse. Je vous coupe. Pour Abel, il a un petit coucou de Florent, voilà, qui suit apparemment beaucoup la radio. Oui. Voilà. Tout à fait, Florent, c'est notre technicien à distance qui nous fait nos podcasts. Coucou, Florent. Coucou, Florent. Donc, effectivement. Y a des artistes avec qui tu aimerais faire des duos? Ben oui, moi. Bon, on s'en va. Pardon. C'est ça. À part moi, évidemment. Les artistes. Les artistes, on va dire. Après, c'est des artistes très connus. J'aimerais bien. Mais j'aimerais bien faire un duo. Et ça va se faire. J'espère, très vite. Avec Cordéon. Oh, le mélange. Ouais. Ah, j'ai hâte. Là, on peut. J'ai hâte. Aïe, aïe. Ah, là, j'ai hâte. Frézou. Avec Sarah Frézou. Ouais. Ouais, pareil. Encore plus, encore plus. Sarah Frézou, ouais, tout le monde chante maintenant. Ouais, tout le monde. Ouais, donc, non, Sarah, non. Mais on s'entend super bien avec Sarah Frézou. Ouais, elle a l'air. Elle est super. En vrai, ouais, non. Bah, ouais, bébé. Ouais. Eh hey bébé, merci bébé. Elle est là pour foutre la merde. Ouais, pour une fois qu'on voit des rondes. C'est son rôle. C'est son rôle. Mais en vrai, elle est super. Ouais, elle a l'air. Donc. Très bien. Non, vas-y, je t'écoute. Alors, on en était où là? Les duos que tu aimerais faire. Ah, voilà. Les duos, ouais. Après, il y a un duo et je peux me permettre parce que je le sais. Tout à fait. Eros, ça serait. Ah, bah oui, moi, ça, un duo serait... ouais. Avec Ramazzotti, moi je suis très fan d'Eros. Paula, français. Je verrais bien Paula avec cette voix un petit peu. Non? Ah ouais? Paula, je verrais bien. Ouais. Paula, avec si tu femme. Nous écoutes. Allez, on y pense. Allez, c'est parti. Avec une femme, ouais. Ouais. Il y en a tellement comme ça, là, j'arrive même pas. À... Oui, voilà. Ouais. Et quelles seraient tes ambitions musicales? Quel serait le rêve à accomplir? Une scène? Ah, les grandes scènes. La grande scène? Les grandes scènes, ouais. Grande scène, tournée internationale. Voilà, alors là j'ai tapé la barre. Ah, moi on m'a toujours dit d'aller haut pour pouvoir descendre petit à petit. C'est ça. Donc on y va. Mais ouais, les grandes scènes déjà françaises, voilà, ça je serais très content déjà. Tout à fait. Et au Portugal. Et au Portugal. Pour pouvoir percer aussi un petit peu partout. Les deux pays. Très bien. Entre temps, on va écouter Tijolo. Qu'est-ce que t'en penses? Tijolo qui nous abrimos la bouteille. Va embora. Eu quero, exijo,